Leroy, le directeur du conseil scientifique. L'épidémie de Covid est contrôlée sur le territoire français métropolitain. Bien qu'il soit encore trop tôt pour dire si ce contrôle est définitif ou temporaire, nous avons eu envie de jeter un œil dans le rétroviseur médical et nous intéresser aux épidémies précédentes et à l'empreinte qu'elles ont laissée dans l'histoire des sciences. Des premières pestes qui n'en étaient pas vraiment, avec l'instauration de la quarantaine au VIH et à l'implication des patients dans la recherche biomédicale, en passant par le choléra et la découverte de l'épidémiologie, ou encore la fin de la théorie des miasmes et la découverte des virus après la grippe espagnole de 1918, raconter l'histoire des épidémies, c'est raconter l'histoire de l'espèce humaine. L'épidémie, il était une fois la maladie, c'est le programme infecté qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique en direct. Pour nous raconter cette histoire, comment elle a influencé le cours de notre apprentissage des fonctionnements biologiques, des pathogènes et du corps humain, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, et comme toujours à distance, Anne Rasmussen. Bonjour. Anne Rasmussen, vous êtes là, vous m'entendez ? Oui. Bonjour, vous êtes historienne, directrice d'études à l'EHESS, directrice du centre Alexandre Coiré. Nous sommes également en ligne avec Guillaume Lachenal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien des sciences, professeur à Sciences Po, chercheur au sein du Media Lab. Mais pour commencer, celle qui surveille comme le lait sur le feu l'apparition de tout nouveau pathogène dans la littérature scientifique internationale jour après jour, celle qui sait tout sur les microbes, c'est évidemment Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une découverte archéologique importante, la plus vieille sculpture d'Asie. Il s'agit d'une minuscule figurine d'oiseau qui mesure à peine 2 cm. Elle est aussi grande qu'une pièce de monnaie. Cet oiseau Lingjing a été découvert en 2005 en Chine, dans la province de Henan. Alors, grâce à la datation au carbone 14, associée à la technique de microscopie confocale et de microtomographie, on sait que cet os sculpté est vieux de 13 200 ans. Cela repousse à plus de 8 millénaires l'apparition de l'art de la sculpture en Asie. En Europe, l'émergence de cet art remonte à 40 000 ans. Alors cette découverte est rapportée dans la revue PLOS ONE. Pas de doute, ce n'est pas un caillou, mais bien une création humaine. Francesco Derico, qui a dirigé cette étude, est directeur de recherche CNRS à l'Université de Bordeaux. Il parle d'un nouveau chef-d'œuvre de l'art paléolithique. Nous pensons que cet os a été volontairement chauffé pour le transformer dans une matière marron et dure. Donc déjà la préparation et par la suite la fabrication, l'excellent état de conservation. On a pu identifier 68 petites facettes qui gardent encore les traces de l'outil du sculpteur. C'est-à-dire certaines de ces facettes ont été rabotées avec le bord d'un burin, d'autres raclées avec le bord d'un éclat de l'outil en pierre. Et les yeux sont faits avec une toute petite pointe en silex. Ce qui est étonnant, c'est déjà le fait qu'il est sur un piédestal et le fait que le sculpteur savait que s'il n'avait pas surdimensionné la queue, l'oiseau serait tombé sur sa tête. Ce qui signifie que le sculpteur avait aussi une idée très précise, disons le besoin d'atteindre un équilibre dans la production de la figurine. C'est important parce que pour des très grandes régions de la planète, on n'a aucune idée de quand cela s'est produit. Et aussi parce que cette petite figurine semble être très différente à plusieurs égards d'un point de vue de la matière première, la présence d'un piédestal, chose qui est unique. Donc elle pourrait représenter un exemple d'une origine qui n'est pas la même que la statuaire européenne orignacienne. Et nous, naturellement, nous sommes intéressés à savoir est-ce que la reproduction 3D est quelque chose qui s'est développé à partir d'un seul centre d'origine ou à plusieurs reprises dans plusieurs parties de la planète. Voilà, vous pouvez retrouver le lien vers l'étude originelle sur notre fil Twitter, @laméthodefc. On passe au bref. On fait le point quotidien sur l'épidémie de coronavirus. Dans la course au vaccin contre la Covid-19, la biotech chinoise CanSino Biologics apporte ses premiers résultats. Les résultats de la phase 1 des essais cliniques sont publiés dans la revue The Lancet. Ils sont plutôt bigarrés. 108 patients âgés de 18 à 60 ans, répartis en 3 groupes de dosages différents, ont testé l'innocuité du vaccin. La réponse humorale a bien lieu. On observe une production d'anticorps liants et neutralisants contre le SARS-CoV-2 et également une production de lymphocytes T. Mais bémol, seuls les plus jeunes semblent être sensibles à ce vaccin. Pour les plus de 40 ans, la réponse humorale est faible. Les effets secondaires, quant à eux, sont fréquents. Alors la phase 2 des essais cliniques a déjà commencé sur plus de 500 personnes. La communauté scientifique internationale entre dans le mouvement Black Lives Matter. Et un mouvement de grève a été lancé hier par un groupe d'universitaires américains avec les hashtags Shutdown Academia ou Shutdown STEM. Les chercheurs des domaines STEM, pour sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, appellent à prendre du temps pour se renseigner sur l'inégalité raciale systémique dans le milieu universitaire, mais aussi à engager une campagne de changement durable. Au moins 5000 chercheurs ont annoncé leur participation à cette journée, ainsi que les grands éditeurs de revues scientifiques, Nature, Science, mais encore Archive, le SETI, le MIT et l'American Institute of Physics. Et selon une étude parue dans le Monthly Notice of the Royal Astronomical Society, des astronomes ont découvert des sursauts radio rapides répétitifs. Et les rafales radio rapides, ce sont des sursauts d'ondes radio extragalactiques qui libèrent en quelques millisecondes autant d'énergie que le Soleil en 10 000 ans. Depuis leur découverte en 2007, ces éruptions restent inexplicables. Une équipe britannique a repéré FRB 121-1102, avec un modèle cyclique de 157 jours, en activité pendant 90 jours, puis une période de silence de 67 jours. Ce n'est que la deuxième fois que l'on capte un sursaut radio rapide de manière périodique. Habituellement, il ne se déclenche qu'en une seule fois. Alors que se cache-t-il derrière une telle activité cyclique? Est-ce les effets d'un magnétar, une étoile à neutrons au champ magnétique intense? Sont-ils liés au mouvement d'une étoile à neutrons dans un système binaire? Pour le moment, nous n'en savons rien. Et pour conclure, selon une étude parue dans Proceedings of the Royal Society B, les ovocytes humains ont une préférence pour le sperme de certaines personnes. Et c'est une découverte majeure pour mieux comprendre les mécanismes de l'infertilité chez les couples. Une équipe internationale a examiné 16 couples qui suivaient une FIV. Elle a observé comment les spermatozoïdes réagissent au liquide folliculaire, le liquide qui entoure les ovules et qui contient des chimio-attractants. Et surprise, ces chimio-attractants peuvent attirer certains spermatozoïdes plus que d'autres. Les interactions entre les ovules et le sperme dépendent donc des femmes et des hommes impliqués. Les ovules d'une femme n'attirent pas toujours les spermatozoïdes de son partenaire, mais peut-être ceux d'un autre. Aucun commentaire évidemment à cette information, Natacha. Et eh bien, on ne vous retrouve pas demain, puisque demain, comme tous les vendredis depuis le début du confinement, c'est une rediffusion des émissions de science-fiction. Mais on vous retrouve lundi pour un nouveau journal des sciences tout frais. À lundi. À lundi. Il est 16h08, vous écoutez bien la méthode scientifique sur France Culture, et s'il est indiscutablement trop tôt pour discerner avec justesse et exactitude en quoi cette épidémie de Covid aura marqué non seulement la marche des sciences, mais aussi notre rapport collectif à la connaissance et à la maladie, il est possible aujourd'hui de porter ce regard rétrospectif sur toutes les grandes épidémies qui ont marqué l'histoire de l'humanité. À chaque pandémie, c'est un bout de l'histoire qui s'accélère, l'occasion de découvertes, de réorganisations, d'ébranlement des certitudes, de questionnements collectifs. Et pendant que l'humanité compte et déplore ses morts, notre histoire collective s'écrit. C'est cette histoire des épidémies et de ce qu'elles nous ont appris que nous souhaitons raconter aujourd'hui en compagnie donc d'Anne Rasmussen, qui est historienne, directrice d'études à l'EHESS, directrice du centre Alexandre Coiré, et Guillaume Lachenal, qui est historien des sciences, professeur à Sciences Po et chercheur au sein du Media Lab. Et pour commencer, comme chaque jour, par notre archive, nous débutons par la maladie qui incarne peut-être le plus dans la mémoire collective ce que peut être une pandémie ravageuse et qui a durablement marqué l'humanité pendant de nombreux siècles. Il s'agit de la peste. Monsieur le professeur, on peut s'étonner qu'en 1963, une réunion se soit encore tenue à l'Institut Pasteur, réunion consacrée à la peste. La peste n'a donc pas disparu à notre époque ? Eh bien, statistiquement parlant, elle a disparu, puisqu'il y a extrêmement peu de cas à travers le monde et que le nombre de cas baisse chaque année. Mais en réalité, elle n'a rigoureusement pas disparu. Elle est là, si vous voulez, partout, en réserve, sur les rongeurs, comme vous le savez, sur les puces qui la conserve. Elle est même dans les pays les plus civilisés, puisque les États-Unis l'ont à l'heure actuelle, dans les campagnes, dans les foyers. C'est une maladie dont nous disons qu'elle garde une potentialité, si vous voulez, redoutable. C'est pourquoi on continue à s'en occuper, c'est pourquoi la peste reste inscrite parmi les saints dites, les maladies dites pestilentielles, qui sont la variole, le choléra, le typhus, la peste et la fièvre jaune. Et on continue à prendre ce qu'on appelle des mesures quarantenaires très serrées, en prévision justement d'une possibilité. Comment se propage la peste ? Eh bien, je crois que tout le monde le sait, la peste se propage par la piqûre de la puce. La puce est le grand vecteur de la peste. Et elle est dans la nature la propriété des rongeurs. Elle passe de rongeur à rongeur par la puce. Mais lorsque tous les rongeurs ont été tués, parce que nous avons une épizootie, lorsque tous les rongeurs ont disparu, leur puce, mourant de faim, si je puis dire, se rabattent sur l'homme, si l'homme est là. Et c'est pourquoi, dans la peste, le grand animal dangereux est le rat, parce que le rat vit au contact de l'homme, il est couvert de puces, et si les rats viennent à mourir, les puces de rat qui normalement ne piquent pas l'homme, se rabattent sur l'homme et lui transmettent la maladie. C'est pourquoi la peste est surtout une maladie, à l'heure actuelle, des ports, des docks, des endroits où il y a encore beaucoup de rats. Voilà, extrait du journal de France Inter, Interactualité. Nous sommes le 14 décembre 1963. Peut-être une réaction à cette archive, l'un et l'autre, Anne Rasmussen. Ça nous montre combien il est frappant de voir que des questions qui ont émergé alors aujourd'hui dans l'épidémie de la Covid ou dans les années 60 où ce professeur de médecine nous parle, combien ces questions ont une histoire de longue durée et finalement pour certaines un perpétuel renouvellement. Alors la peste, heureusement, c'est moins sûr aujourd'hui, mais néanmoins dans la liste des périls sanitaires qu'il dresse, notre interviewé, et bien finalement seule la variole est aujourd'hui censée être définitivement exclue de notre horizon, mais cela montre combien il y a des questions qui se posent dans la longue durée et qui sont renouvelées alors par de nouvelles maladies, mais aussi de nouvelles façons de les interpréter. Mmh. Guillaume Lachenal, votre réaction ? Oui, comme Anne Rasmussen, je relève que seule la variole a disparu de la liste, et il faut ajouter que il est malvenu de parler de la peste au passé. Hein. L'an dernier encore, il y a eu une épidémie gravissime à Madagascar, y compris de forme pulmonaire de la peste à Tananarive, qui avait beaucoup préoccupé. À l'époque, on se demandait si ça allait pas vraiment tourner un peu hors de contrôle. Et ça peut être l'occasion justement de dire que ce rapport de la science et des épidémies, ça va être très compliqué de le raconter comme un récit de progrès ou même l'idée que la science ait pu bénéficier des épidémies. Je pense que sur le long terme, on voit des scientifiques qui courent après les épidémies. Un peu comme des chasseurs de tornades dans le Middle West américain et qui, pour l'essentiel, ratent la tornade ou se font retourner la voiture sans le vouloir. Je le disais tout à l'heure, il est certainement un peu trop tôt et on manque peut-être encore un peu de recul, mais est-ce que vous pensez l'un et l'autre, brièvement, qu'on peut déjà tirer des leçons ou des enseignements de cette épidémie de Covid que nous sommes en train de traverser sur le plan scientifique ? Qu'est-ce que ça a changé justement à la façon de lutter contre les maladies ou au rapport que l'on peut avoir plus généralement à la médecine et à la biologie, Anne Rasmussen ? Alors, quand on est historien, comme vous le savez... On n'aime pas commenter l'actualité. C'est toujours l'actualité, mais c'est encore moins l'avenir, c'est-à-dire de faire des prédictions sur ce que cela nous apportera. Ce qui me frappe en tant qu'historienne, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire combien la compréhension de l'épidémie de Covid a puisé dans des répertoires interprétatifs qui étaient ceux que nous connaissions. Puisque, rappelez-vous, alors un peu moins aujourd'hui sans doute, mais dans les premiers mois de 2020, le parallèle avec les pandémies grippales a quand même été très présent dans les façons de rapporter cette épidémie à des épidémies du passé. Alors bien sûr aussi avec des pandémies de coronavirus, mais néanmoins la grippe a fonctionné comme un modèle de compréhension. Et puis, alors encore dans la plus longue durée, on peut voir combien cette épidémie, alors dans les réponses qu'on y a apportées, a quand même fait appel à des ressources de politique sanitaire, de politique publique, notamment les quarantaines, le confinement, donc des outils qui, sans doute, nous aurions été étonnés de savoir il y a l'année dernière que c'est un mot qui aurait été un des mots de l'année 2020, hein, quarantaine par exemple, parce que précisément il nous semblait qu'il appartenait à un registre plutôt de gestion des épidémies du passé. Donc ce qui me frappe, c'est plutôt la manière dont une nouvelle épidémie est bien... reconfigure des réponses anciennes, mais bien sûr en les transformant. Guillaume Lachenal. Alors moi j'ajouterais quand même ce qui frappe, alors pas seulement l'historien, mais ce qui change sur le plan du travail scientifique, ça a quand même été un formidable mouvement de débat public, on le sait, autour de la science, qui s'est fait en particulier par la circulation ouverte d'abord des données, je pense notamment aux séquences virales, et puis des publications et des pré-publications, et ça a été quand même extraordinaire de suivre ça, c'est toujours fascinant de le suivre, et je pense que de ce point de vue-là, c'est une épidémie qui a été vraiment nouvelle par l'échelle du débat public sur les publications scientifiques et la production d'une sorte d'expertise collective, d'évaluation collective des publications, avec toutes sortes de dérives et de problèmes évidemment, mais il y a une forme d'utopie de la science ouverte qui s'est quand même, ou de dystopie de la science ouverte, je sais pas, qui s'est mis en place, quoi. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15, nous examinons aujourd'hui l'histoire des grandes épidémies et comment elle a influé bien plus généralement sur l'histoire des sciences, bien sûr, mais sur l'ensemble de l'histoire de l'espèce humaine. Nous en parlons avec Anne Rasmussen et Guillaume Lachenal. Anne Rasmussen, pour commencer, quelles sont les premières traces que l'on trouve dans l'histoire, ou peut-être même, pourquoi pas, dans la préhistoire, même si c'est évidemment certainement un peu plus difficile, de grandes épidémies? Alors, là, il faudrait peut-être des savoirs d'archéologues ou qui vont travailler sur les maladies. Historiquement, les grandes pandémies du passé, la plus caractéristique est la peste. Bien sûr. C'est vraiment celle qui a marqué historiquement les sociétés anciennes. Alors, avec la nuance que le mot peste a pu être un terme générique aussi, hein, une maladie pestilentielle ou des pestes, pour désigner toute une série de maladies et de types d'affections, de fièvres. Néanmoins, on a bien caractérisé quand même un ensemble pathologique sous le nom de peste, qui, depuis le VIe siècle, on sait que dans les écrits des historiens grecs, il est question de peste, de la peste d'Athènes, etc. Néanmoins, sur le plan des grandes pandémies de peste, on les identifie, hein, comme grandes vagues pandémiques du VIe au VIIIe siècle, une première, hein, qu'on désigne comme la peste de Justinien, et puis la fameuse peste noire, donc peste médiévale, du XIVe siècle, mais là aussi qui entame un cycle qui finalement ne se fermera en Occident qu'au début du XVIIIe siècle. Après, avec des rejeux au XIXe, au XXe siècle, dans différentes régions du monde. Mais c'est quand même la peste, sans doute, qui est à la fois le plus marquant dans le bilan démographique, dans l'empreinte qu'elle a laissée sur les sociétés humaines, et puis dans les imaginaires, hein, les représentations qu'elle a forgées et qui ont vraiment imprégné l'image que l'on se fait de la maladie qui circule et qui, comme toute épidémie, touche un grand nombre de gens en même temps. Et donc c'est le phénomène collectif par excellence. Guillaume Lachenal, alors on va parvenir. On avait d'ailleurs consacré une émission entière à l'apparition des maladies ou des maladies contemporaines et qu'on établit en paléoanthropologie ou en paléomédecine à la sédentarisation en fait, hein, et justement à la cohabitation avec un certain nombre d'animaux qui ont amené avec eux un certain nombre de maladies comme le tétanos pour le cheval, la grippe pour les poulets ou la tuberculose pour le bœuf. Mais est-ce qu'il y a, disons, une première épidémie qui serait marqué comme les premières traces que l'on a, qu'elles soient littéraires ou artistiques, et qui pointent vers une expansion au-delà d'un simple groupe d'humains isolés ou dans l'ensemble d'une civilisation. Vous voulez dire la première trace écrite ? Oui. Le texte classique, c'est la peste d'Athènes racontée par Thucydide. Qui est le premier récit épidémique, et c'est un récit qui frappe parce qu'on le lit aujourd'hui, c'est un récit qui semble presque contemporain dans la manière dont il déroule le récit d'une épidémie. Donc c'est un récit aussi qui certainement, en se transmettant et en étant repris, etc., a configuré aussi notre expérience des épidémies, quoi. La peste d'Athènes, qui d'ailleurs n'était pas du tout une peste, hein, comme l'a dit Anne Rasmussen, mais plutôt a priori, on pense, une fièvre typhoïde, c'est cela ? Oui, c'est une des hypothèses. Oui, je crois qu'on saura jamais parce qu'on a là on n'a pas de bioarchéologie sur cette question, mais donc on joue avec les descriptions cliniques de Thucydide, mais effectivement. Il y a une autre, alors avant la véritable peste de Justinien, qui est celle de 541-543 que vous évoquiez, Anne Rasmussen, il y en a eu une autre qu'on nomme la peste antonine et dont on estime que pour cette fois-ci, il s'agissait vraisemblablement de la variole. Qu'est-ce qu'on sait de la réaction, c'est-à-dire non seulement de la diffusion de la maladie, mais de la réaction des populations face à ces mots qui sont très très mal compris, et bien évidemment, Anne Rasmussen. Alors, on a des traces. Alors pour les épidémies les plus anciennes, les traces de ceux qui l'ont enduré sont plus limitées. Hein. On a en revanche beaucoup de témoignages sur les pestes de l'époque moderne, hein, du XVIIe siècle, du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, bien sûr. Hein, en France, la peste de Marseille, donc la dernière grande peste en France, 1720, a laissé énormément de traces, hein, archivistiques, de témoignages, de traces littéraires, de toutes sortes. Dans la longue durée, on a, malgré tout, les archives pour celle de la peste noire sont un peu plus limitées. En revanche, on a, au-delà de ce qu'est l'expérience finalement de ces épidémies, la manière dont les populations l'ont subi, donc on connaît assez bien, hein, les réactions de peur, les réactions de fuite, les réactions d'exclusion que ces épidémies ont suscité. Mais peut-être que ce qui est plus notable encore en tout cas pour le sujet qui est en relation avec les savoirs, la constitution de savoirs issus des épidémies, sont les dispositifs sanitaires, donc les premières traces finalement de politiques concertées, de lutte contre l'épidémie collectivement à des échelles politiques, donc par exemple des cités italiennes au Moyen-Âge, donc et qui mettent en place des dispositifs qui vont être durables, puisque c'est de ces dispositifs du Moyen Âge, du XIVe siècle, hein, que ceux-ci vont rester les formes principales de protection des sociétés occidentales en particulier, jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle. Mais justement, quel type d'organisation sont notées ? Alors, il y a effectivement les archives médiévales que vous signalez, mais je ne sais pas, est-ce que par exemple Galien, dont on sait qu'il a documenté la peste antonine, qui était donc vraisemblablement une variole, est-ce qu'on trouve dans les écrits de Galien des traces justement de mesures prophylactiques ou de traitements ou d'organisation sociale pour répondre à la menace de la maladie ? Anne Rasmussen ? En tout cas, les médecins antiques, Galien et puis avant lui Hippocrate, ou le corpus hippocratique, hein, les auteurs du corpus hippocratique, oui, on décrit les phénomènes épidémiques, les maladies générales, on donnait des formes d'interprétation, de la compréhension du surgissement de ces pestes, notamment sous leur forme qu'on qualifierait aujourd'hui d'environnementale, hein, et de lien aux météores, au climat, tout ça, un ensemble de phénomènes externes qui créent l'épidémie. Et puis, en effet, avec des mesures prophylactiques. Alors, prophylactique, le terme est peut-être un peu anachronique, oui, c'est-à-dire des formes de réactions fondées sur des savoirs médicaux, en particulier liées au système humoral, hein, de compréhension du fonctionnement du corps humain et de ce déséquilibre corporel que la maladie crée ce déséquilibre et que l'on peut essayer de rééquilibrer. Néanmoins, les maladies générales, c'est plus difficile. Vous pouvez nous rappeler en un mot en quoi justement consistait ce fameux système humoral qui a été quand même l'alpha et l'oméga, en tout cas la partition principale jusqu'à relativement tard, presque quasiment jusqu'à la Renaissance. Alors alors ce n'est pas mes spécialités parce que je suis historienne du contemporain. Néanmoins, le système humoral, c'est un système qui est fondé donc sur la composition du corps en fluides corporels, quatre fluides corporels qui s'équilibrent les uns les autres. Hein, tout d'un coup, je réfléchis, la bile jaune, la bile noire, le phlegme et le sang, et qui, selon leur équilibre, c'est leur équilibre relatif, la stase qui provoque l'état de santé, et en revanche, leur déséquilibre, soit par excès, soit par défaut, qui crée donc des situations de maladie. Alors, il faut noter quand même que dans les cas de maladie générale, c'est quand même d'abord les éléments extérieurs, hein, donc de ce qu'Hippocrate expose dans des airs, des eaux, des lieux. Hein, c'est tout un ensemble d'éléments qui vont influer sur l'organisme, et là la cause finalement, et donc le remède, repose moins directement sur le rééquilibrage de ses humeurs. Et Galien va systématiser, disons, ce système hippocratique humoral en le faisant en plus correspondre avec des tempéraments, avec des qualités, avec les saisons, ce qui fait qu'on a un système assez complexe, hein, assez sophistiqué, qui permet là aussi d'agir, puisqu'il permet d'essayer de répondre, hein, de trouver des solutions finalement aux disharmonies que la maladie crée. Guillaume Lachelal, si on avance un peu et qu'on s'intéresse à cette grande peste noire du XIVe siècle, c'est cette peste qui, pour la première fois, invente le système de quarantaine. Oui, moi, je voulais ajouter bien sur sûr. Le système humoral que s'il était toujours le système dominant aujourd'hui, on aurait dit que le coronavirus aurait été provoqué par un hiver particulièrement doux, en particulier sur l'Europe, un hiver presque sans neige en moyenne montagne. C'est ce type d'interprétation climatique qui était convoquée pour expliquer l'épidémie de choléra, par exemple, en 1832. C'était une succession de pluies froides sur la région parisienne ou des choses comme ça. Donc c'est effectivement une compréhension de l'épidémie qui a suscité aussi beaucoup d'enregistrements, d'attention au climat, à la météo, au sol, et qui a suscité des savoirs parfois massifs, hein, en termes d'archives, etc. Oui, la quarantaine, la peste noire en particulier dans le nord de l'Italie va susciter. Alors c'est un processus qui se fait assez lentement, hein, c'est pas la réaction à l'épidémie est pas immédiate, mais susciter ce qu'on a décrit classiquement comme la naissance de la santé publique, à la fois l'affirmation d'un pouvoir qui serait un tiers pouvoir où les médecins sont conviés, une sorte de conseil de santé publique pour conseiller le pouvoir politique là-dessus, et puis des dispositifs effectivement de fermeture des villes ou donc de quarantaine en ce qui concerne en particulier les bateaux et le commerce. La quarantaine, il y a une raison particulière. Il y a une raison particulière pour le nombre 40, je crois, qui était avancé pour que créer effectivement cette notion de quarantaine, Guillaume Lachenal. Vous le savez, oui. C'est une référence. Non, c'est une référence biblique ou. Ou Anne Rasmussen. Attendez, moi je peux le retrouver. C'est il y a différentes interprétations en fait. Hein. Oui. Alors, il y a effectivement une interprétation biblique. Il y a une interprétation hippocratique, hein, puisque dans la théorie hippocratique, le 40 jours, c'est la durée maximale des maladies aiguës, hein, comme la peste. Mmh. Donc ça va être le temps pour lequel il faut isoler afin que la maladie soit contenue. Cela dit, dès les premières quarantaines, enfin très rapidement, on a pu ajuster, comme on l'a fait cette année, le temps des quarantaines à des circonstances locales, à des circonstances pathologiques qui pouvaient raccourcir la quarantaine, puisque la quarantaine a toujours été vécue par ceux qui la subissaient comme privative de liberté, mais surtout comme privative d'échanges commerciaux, et donc elle pouvait susciter des catastrophes économiques. Et donc la quarantaine, typiquement, c'est la durée pendant laquelle on garde un bateau à l'arrêt, et on l'empêche de vider ses cargaisons, on l'empêche de circuler, et donc on a toujours essayé, hein, de réduire ces quarantaines. Donc finalement, elle a rarement été, ou elle n'a pas toujours été, vraiment une durée de 40 jours. Si on estime que cette peste noire, comme vous l'avez dit, Guillaume Lachenal, pose les prémices ou les premières ébauches de santé publique, elle est aussi indissociable de ces fameux masques de peste qui sont une tentative de réponse adaptative, encore une fois avec la compréhension médicale de l'époque, pour tenter de préserver la santé des médecins de l'époque ou des personnels soignants. Guillaume Lachenal. Oui, vous pouvez me redire votre question. C'est un peu compliqué parce que je vais préciser pour les auditeurs, il y a un gros décalage entre mes questions et le moment où vous les recevez, donc ça crée parfois ces petites incertitudes. La question, c'était de dire que cette peste noire a été aussi vraiment un moment de création d'une forme de nouvelle médecine strictement adaptée à la peste, et notamment avec cet exemple des masques de peste dont se servaient les médecins pour éviter, a priori, d'être contaminés. Oui, nouvelle médecine, et puis là encore, essor aussi, bon, plus tardivement, en particulier au XVIIe au XVIIIe, hein, essor d'une administration de la santé qui va devenir extrêmement précise, qui est superbement décrite dans le livre de Michel Foucault, Surveiller et punir, hein, où il décrit les règlements de villes pestiférées, avec tout un appareil administratif qui se met à identifier chaque individu, chaque habitant des appartements, etc., pour savoir qui a la peste, qui ne l'a pas. Donc il y a comme ça une pensée médicale de la population comme somme d'individus identifiés, individualisés, qui naît de cette expérience de la peste et de cette administration de la peste. On va continuer à avancer dans cette histoire des épidémies. On va parler évidemment de l'épidémie de variole, de la problématique liée à l'inoculation qui mettra beaucoup de temps à s'instaurer comme une évidence pour lutter contre la maladie, mais aussi de l'émergence de l'épidémiologie suite à une épidémie de choléra à Londres. On en parle dans un instant. Everywhere, a thousand eyes reflecting glare, waves vibrant, thrilling and soothing, dancing, resting. Sunlight cranking in the head. Body craving to be tested. Feast in the time of plague. You were a beautiful pig. Feast in the time of plague. You were a beautiful pig. Pounding tables, fists of meat. Stupid, messy, giddy, greed. Feast in the time of plague de Vic Chestnut sur France Culture à 16h35. Nous parlons d'épidémie, de l'histoire des épidémies et de la façon dont elles ont bien modifié notre rapport à la médecine. Nous en parlons avec Anne Rasmussen, qui est historienne, directrice d'études à l'EHESS, directrice du centre Alexandre Coiré et Guillaume Lachenal, que nous avons récupéré sur une meilleure liaison. Donc il ne devrait plus y avoir ce petit problème de décalage, qui est historien des sciences, professeur à Sciences Po et chercheur au sein du Media Lab. Peut-être qu'on pourrait dire, parce que j'aimerais qu'on avance et qu'on vienne à l'ère contemporaine assez rapidement, mais tout de même, sur cette épidémie de variole en 1520, cette notion de variolisation qui va amener tout de même, Guillaume Lachenal, une vraie controverse, une polémique qui va durer très très longtemps, hein, puisque jusqu'au XVIIIe siècle, il est question d'inoculer, et puis bah, inoculer finalement ce sera interdit par le Mans de Paris à la fin du XVIIIe, parce que jugé non conforme à la religion. Vous pouvez nous en dire un mot? L'inoculation de la variole consiste la variole, c'est une maladie très contagieuse, hein, qui se transmettait par le contact avec les personnes infectées. Ça consistait à devancer un peu la contagion en inoculant, généralement par des scarifications, en inoculant des sécrétions, des pustules, des varioleux à des sujets sains, en particulier aux enfants. Et ce qui est intéressant avec cette technique d'inoculation et de variolation, c'est d'abord que c'est une technique dont l'invention est complètement indépendante des sciences occidentales, puisqu'elle est certainement inventée dans plusieurs endroits du monde, en Chine, elle est pratiquée dans tout le monde musulman, elle est pratiquée en Afrique, on en a des traces beaucoup au XVIIe siècle, et elle est découverte par les Européens à plusieurs reprises, auprès d'esclaves africains à Boston, et puis aussi par Lady Montagu, la femme du consul britannique, à Constantinople, tout ça au début du XVIIIe siècle. Et l'inoculation ensuite va être appropriée en Europe avec ensuite beaucoup d'hésitations sur les risques de l'inoculation, puisque l'inoculation vous protège de la variole, mais vous expose aussi à parfois déclencher une variole qui peut vous emporter. Et donc la controverse sur l'inoculation va accompagner des réflexions les plus grands mathématiciens de l'époque vont s'illustrer, des réflexions sur les probabilités conditionnelles et la compréhension mathématique du risque. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui a beaucoup intéressé les historiens et les historiens des sciences. Avant d'arriver évidemment au début de la vaccination avec Jenner à la toute fin du 18e en 1796, un mot peut-être Anne Rasmussen sur ce que cette épidémie a tout de même modifié, parce que là aussi on arrive, c'est un chemin certes long, certes tortueux et problématique, mais qui permet d'arriver finalement à aboutir in fine à l'invention de cette technique de vaccination qui va aujourd'hui, qui est peut-être d'ailleurs reconnue universellement comme l'un des principaux progrès de la médecine moderne, ou en tout cas le passage à ce qui va être aujourd'hui considéré comme la médecine moderne. Oui, c'est vraiment dans l'inoculation, puis la variolisation, puis sa transformation au siècle suivant, hein, au 19e, donc à la suite de la découverte, enfin de cette innovation du médecin anglais Jenner, qui, lui, va partir non pas de la maladie humaine, la variole, mais de la variole bovine, hein, la vaccine, pour donc inoculer désormais par la vaccination, hein, au sens strict, la maladie animale pour prémunir les humains contre donc en suscitant une maladie bénigne et pour les prémunir contre la variole humaine. Effectivement, tout est quasiment, enfin le geste vaccinal est déjà, hein, dans cette inoculation, puis dans la vaccination générienne. Les débats sur le vaccin, ils sont déjà largement présents. Alors, il ne s'agit pas de dire que rien ne change. Et naturellement, quand la théorie des germes reprend le geste vaccinal par Pasteur et les autres microbiologistes, bien sûr, la technique change. Néanmoins, ce qui est intéressant, comme l'a dit Guillaume, il y a ce geste qui est technique, hein, qui est sans théorie, qui n'est pas scientifique au sens de la médecine expérimentale donc du 19e siècle. Néanmoins, il est complètement investi par le discours médical, cette inoculation, et il est vu comme un geste d'innovation, hein. Et donc là, il y a vraiment toute une réécriture d'un geste empirique, hein, comme l'a bien étudié Anne-Marie Moulin, qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme on l'a dit, ça suscite un immense débat, hein. Alors l'inoculation même, ça anime l'Europe des Lumières sur le geste est-il moral, l'inoculation est-elle moralement permise? Kant explique pourquoi ça ne l'est pas. Rousseau a un autre avis. Il y a tout un débat et des techniques aussi statistiques et un enjeu sur donc le calcul probabiliste sur une arithmétique médicale qui fait vraiment intervenir là des savoirs mathématiciens dans le mathématique dans le débat médical et dans des savoirs médicaux qui vont ensuite s'imposer complètement au 19e et au 20e siècle. Ce qui est intéressant, c'est que cette période-là, finalement, entre la peste de Marseille et les débuts ou la fin du 18e siècle et ces épidémies de variole, c'est que c'est aussi, on évoquait tout à l'heure, vous venez de parler de la théorie des germes, on parlait tout à l'heure de la théorie des humeurs de Galien. Cette théorie des humeurs, Guillaume Lachenal, va laisser place, notamment suite à, je crois, à l'épidémie de peste, et corrigez-moi si je me trompe, mais à une autre théorie, qui est la théorie des miasmes. Alors, moi, j'ai du mal à les distinguer clairement, parce qu'en fait, le 19e siècle, en particulier dans les facultés de médecine, va être dominé par un ensemble théorique qui, rétrospectivement, est un ensemble assez touffu, qu'on désigne classiquement comme une forme de néo-hippocratisme, où on combine théorie des humeurs et théorie des miasmes, parce que les miasmes, c'est ces émanations du sol dans les endroits insalubres qui sont liés à toute une sensibilité aux odeurs aussi, mais ces miasmes, ils interagissent avec les constitutions individuelles qui sont, elles, liées à l'équilibre entre les humeurs. Donc les constitutions s'ajustent ou se malajustent avec les environnements, et la théorie miasmatique essaye de donner un corps théorique à tout ça avec beaucoup d'efforts rhétoriques et savants. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une autre épidémie qui va mettre à mal, hein, cette théorie miasmatique, et qui va aussi donner lieu, alors selon ce qui est vraisemblablement une légende de l'histoire de la médecine plus qu'un fait, mais à l'apparition de l'épidémiologie, c'est l'épidémie de choléra à Londres. On est au 19e siècle, et notamment ce fameux Jon Snow, qui n'est pas celui de Game of Thrones, mais qui serait le premier épidémiologiste de l'histoire de la médecine, qui va penser la maladie comme contagieuse, qui va développer cette théorie de ce qu'on va appeler le contagionnisme, Guillaume Lachenal. Alors le choléra effectivement donne lieu à des débats entre ce qu'on appelle les infectionnistes, qui disent que le choléra est lié à des quartiers insalubres, par exemple à l'infection au sens infect du terme, et puis des contagionnistes qui sont pour qui choléra se transmet avant tout par des contacts avec les personnes malades et qui vont développer une politique, non pas de l'insalubrité, mais par exemple de la quarantaine ou du cordon sanitaire. Alors Jon Snow, c'est un peu différent, puisque le grand geste de Jon Snow, c'est de montrer que le choléra est lié à l'eau. Et d'une certaine manière, il va réconcilier contagionnisme et infectionnisme, parce qu'il montre que effectivement, il y a des quartiers qui sont beaucoup plus touchés dans Londres, mais que si on regarde précisément les réseaux d'adduction d'eau, enfin des réseaux de fourniture d'eau potable, pardon, on s'aperçoit que les quartiers dont l'eau est puisée en amont de la Tamise, en amont de Londres, dans la Tamise en amont de Londres, sont beaucoup moins touchés que ceux qui puisent leur eau dans la Tamise au milieu de Londres. Et ça, c'est le premier grand travail de Jon Snow, c'est une sorte de grande expérience grandeur nature, c'est comme ça qu'il le décrivait, où il montre que selon votre source d'eau potable, vous allez avoir plus ou moins de choléra. Et puis le deuxième travail, cette fois mythique de Jon Snow, hein, qui est devenu un monument de l'histoire de l'épidémiologie qui est enseigné dans tous les manuels d'épidémiologie, c'est la démonstration à la micro-échelle d'un quartier, le quartier de la paroisse de Saint James à Soho. Il montre que les cas de choléra s'agglomèrent, on parlerait presque de cluster aujourd'hui, s'agglomèrent autour d'une fontaine à eau de Broad Street à Londres et que cette fontaine à eau est associée à une concentration des cas de choléra. Il montre que plus on habite proche de la fontaine à eau en distance de marche, plus on a de chances d'avoir des cas de choléra dans l'immeuble. Donc cette représentation de l'épidémie, c'est une représentation qui est visuelle, qui est cartographique, et c'est ça qui a rendu le travail de Jon Snow mythique, c'est que tout se résume en une carte avec la pompe à eau au milieu, et la légende raconte qu'une fois qu'on a fermé la pompe à eau, il n'y a plus de choléra à Soho. On va avancer un peu. Alors on pourrait faire une émission à vrai dire entière sur la grande épidémie de grippe dite espagnole en 1918, mais j'assume de faire un peu l'impasse sur cette question-là pour arriver finalement au présent, ou en tout cas à l'époque vraiment stricto sensu contemporaine, parce qu'il se passe quelque chose d'intéressant, Anne Rasmussen, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, avec la découverte des antibiotiques, on a compris justement peu de temps après la grippe espagnole ce qu'était un virus, hein, parce que quand la grippe espagnole arrive, on ne connaît pas encore l'existence des virus. Bref, on commence à avoir un arsenal non seulement de connaissances, un arsenal théorique, un arsenal observationnel et un arsenal de médicaments avec les antibiotiques qui font penser que les épidémies, c'est de l'histoire ancienne, que c'est terminé, que les grandes maladies infectieuses sont derrière nous. Et puis on va se rendre compte à la fin du XXe siècle, d'abord avec Ebola en 76, puis surtout, avant tout, avec le VIH en 81, qu'on s'est quand même bien trompé. Oui, alors, en effet, peut-être qu'avant d'en venir quand même aux années 80, il y a, donc vous parliez de l'après-Seconde Guerre mondiale, où on est encore, vraiment quand même, encore dans une période héroïque, disons, depuis les années 30, donc jusqu'aux années 80, où il y a quand même une démarche de politique publique à l'échelle internationale, donc qui sont des à part des organismes internationaux qui sont issus des conflits, hein, d'abord la SDN, puis premier conflit mondial, puis ensuite l'OMS, hein, qui donc d'organismes de l'ONU, qui lancent quand même des campagnes et pour lesquelles l'épidémie reste véritablement quand même un enjeu. Mmh. Et donc la plus célèbre, c'est la campagne d'éradication contre la variole, qui est la seule finalement à être totalement ponctuée de succès, puisque effectivement l'OMS célèbre la victoire et la disparition du dernier cas de variole en 1980. Donc c'est vrai que là on est encore dans une période de progressiste et où l'on croit à la possibilité de mener avec des campagnes vraiment à très grande échelle une sorte de quadrillage en empruntant à des dispositifs de type, enfin qui ont été employés, Guillaume Lachenal connaît ça très bien, sur le terrain colonial en particulier, véritablement des actions de masse. Et c'est effectivement après les années 80 que ce moment très utopique finalement de la pensée que les maladies infectieuses vont bientôt relever de l'histoire, en effet il y a toute une série d'événements pathologiques, donc la première est l'épidémie de VIH-Sida. Enfin, ce n'est pas la première, mais c'est en fait la coalescence d'un ensemble de données qui montre que on passe à une autre époque, mais dans laquelle finalement le danger infectieux est tout aussi présent parce que apparaissent des virus émergents, parce que d'autres maladies sont réémergentes comme la tuberculose, parce que l'antibiorésistance commence à se manifester et donc transforme un peu cet imaginaire d'abord de la représentation épidémique et puis surtout de la lutte anti-épidémique victorieuse qui devient beaucoup plus le scepticisme est beaucoup plus de mise donc à partir des années 2000 en particulier. Guillaume Lachenal, justement, sur cette bascule, peut-être on peut parler de cette épidémie de VIH-Sida, dont je rappelle que selon les derniers chiffres dont on dispose pour l'année 2019, aurait fait au moins 38 millions de morts, donc certainement plus que cela, qui est donc une ampleur épidémique comme on n'avait pas connu depuis la grippe espagnole qui a fait, on estime, je ne sais plus, je parle sous votre contrôle, au moins 50 à 70 millions de morts. Oui, c'est les chiffres effectivement qu'on a en tête. Je crois que l'épidémie de VIH-Sida, alors, est pas toujours perçue. Enfin, la temporalité, c'est une temporalité relativement lente par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui avec le coronavirus. Mais c'est-à-dire que ça met plusieurs années. Et puis c'est une maladie qu'on a assignée aussi à des populations et donc qui n'a pas provoqué la même panique ou la même préoccupation, mais c'est une maladie qui je crois vient mettre fin au refoulement de cette idée, enfin à cette idée que les maladies infectieuses ne faisaient plus partie de notre modernité. Et ce que je voulais ajouter là-dessus, c'est que le VIH-Sida, les premiers cas en France sont détectés dans un hôpital qui n'existe plus aujourd'hui, l'hôpital Claude Bernard, mais l'architecture hospitalière est un très bon marqueur de ce refoulement des maladies infectieuses, des hôpitaux qu'on a construits dans les années 70-80. Et c'est un refoulement qui est venu nous hanter pendant cette épidémie. C'est des hôpitaux qui ont été construits dans un monde où le risque infectieux semblait complètement maîtrisé. Donc on n'avait plus besoin que les bâtiments soient aérés, on n'avait plus besoin d'avoir des fenêtres qui s'ouvrent. Et cet hôpital Claude Bernard où on a découvert le sida, on l'a détruit, alors même que c'était un hôpital avec des structures pavillonnaires qui permettaient des quarantaines, qui permettaient des isolements, qui permettaient de gérer des contagieux, etc. Donc tous ces savoirs, y compris architecturaux, ont été abandonnés dans les années 80 et le VIH est venu un peu par ironie de l'histoire dans cet hôpital qui a été détruit ensuite, mais est venu évidemment rappeler aux médecins que les maladies infectieuses étaient encore d'actualité. Cette épidémie de VIH, ça a été aussi un moment, alors évidemment tout dramatique qu'il a pu être face au dénuement des premières années, d'une accélération de la recherche et de quelque chose, moi, qui me semble aussi important en matière d'histoire de la médecine, c'est l'implication des patients. C'est-à-dire qu'il est venu casser un peu cette barrière qu'il pouvait y avoir entre les médecins et les chercheurs, c'est-à-dire les sachants d'un côté et les patients de l'autre. D'un seul coup, pour toutes les raisons que je peux vous laisser d'ailleurs expliquer, d'un seul coup, les patients sont devenus un rouage central dans l'avance de la recherche, mais aussi dans la découverte de traitements et dans la connaissance de la maladie, Anne Rasmussen. Oui, c'est devenu même un classique de la recherche en sciences humaines et sociales autour des épidémies et de la place de la maladie dans la société. Hein. Il y a un livre qui est devenu un classique de Janine Barbeau qui s'appelle « Malades en mouvement » qui montre précisément cette irruption. Alors, c'est pas vraiment une irruption parce que on a tendance, hein, peut-être à accentuer un peu exagérément des ruptures. Les patients, on les voit, hein, dans des épidémies plus anciennes, en particulier au 19e siècle, au 20e siècle. Hein. On aurait tort d'opposer des acteurs passifs, des sujets passifs, des patients, comme leur nom l'indique, à tout d'un coup une entrée en scène. Néanmoins, cette rupture, elle existe quand même. Et en effet, il y a surtout une participation, hein, une action politique, hein, des transformations de politique publique et donc de patients qui se regroupent en associations et qui entendent peser dans le le débat et dans les choix thérapeutiques et dans l'accès aussi aux molécules, puisque ce qui fait ressurgir l'épidémie de sida, c'est l'impuissance thérapeutique dans laquelle on se trouve quand même assez longtemps, enfin dans les premières années de l'épidémie, et aussi avec tout le débat sur le dépistage, ses limites, sa pertinence. Autant de domaines où la société estime que ce ne sont pas des choix coercitifs qu'il convient de lui appliquer. Mmh. Bien sûr, et puis c'est l'absence de traitement, et puis surtout, on a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais en absence de traitement, une mortalité qui est quasiment une mortalité de 100%. Anne Rasmussen. Oui, une maladie qui fait ressurgir ce qu'a fait aujourd'hui de manière différente, mais a fait aussi ressortir, il m'a semblé vraiment frappant, la Covid, c'est le risque associé à la progression exponentielle d'une maladie. Alors évidemment, les modes de transmission ne sont pas les mêmes. Hein. La contamination par le sida peut être... contenu hein, par des moyens prophylactiques plus facilement, si j'ose dire, que des infections par voie respiratoire comme la Covid ou comme la grippe. Mais face à quoi on se trouvait aujourd'hui, comme dans les années 80, c'était l'idée que cette maladie pouvait avoir une expansion qu'on ne parviendrait pas à arrêter, en tout cas qui pouvait menacer, être extrêmement menaçante vraiment pour les populations à très grande échelle. Et c'est ce danger accompagné bien sûr, donc comme aujourd'hui, de l'absence de traitement et de l'absence de vaccin toujours prêt actuel hein, pour le sida. Un mot peut-être, si on arrive dans les dernières minutes de cette émission, Guillaume Lachenal, parce que si on regarde justement à l'inverse de ce qu'on se disait, c'est-à-dire ce monde post-maladie infectieuse, depuis Ebola en 76, on a quasiment une crise sanitaire tous les 3 à 5 ans, hein, on ne va pas toutes les citer, mais il y a la vache folle, il y a la grippe aviaire, il y a le chikungunya, Zika, le SRAS, le MERS, aujourd'hui la Covid, ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, contrairement à cette idée qu'on vivrait dans un monde débarrassé d'épidémies, on vit dans un monde qui est dans une sorte d'épidémie perpétuelle. Oui, et puis il faut ajouter que ce regard sur la fin des maladies infectieuses, c'est un regard qui est très ethnocentriste, eurocentriste. Hein. Les épidémies des maladies infectieuses sont restées très importantes dans les pays du Sud, y compris des maladies dont on considère s'être débarrassé. La peste, on a commencé avec ça. La tuberculose, c'est le cas aussi. Donc d'abord, de ce point de vue-là, c'est un récit qui ne tient pas. Il faut ajouter que les moyens de détection et de suivi des épidémies ont aussi complètement changé. Et on peut essayer d'imaginer un monde alternatif où on n'aurait pas les mêmes moyens, notamment pour le coronavirus. On a un suivi moléculaire de l'épidémie par les tests PCR qui fait qu'on voit des cas qu'on n'aurait jamais vus avant. Donc je ne sais pas, dans un monde alternatif... Sans PCR et sans biologie moléculaire, à quoi aurait ressemblé l'épidémie de coronavirus? On aurait certainement vu des hôpitaux débordés par des cas sévères, etc. Mais on n'aurait pas du tout eu de représentation de toute la partie immergée de l'iceberg. Donc notre regard sur les épidémies est aussi dépendant d'innovations techniques pour certaines très récentes qui permettent ensuite de les représenter. Et toutes ces courbes épidémiques qu'on voit dans nos journaux, etc., elles sont en fait dépendantes de progrès de la biologie moléculaire et puis ensuite de l'analyse même informatique de ces données qui sont des progrès très récents. Eh bien, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci Anne Rasmussen, merci Guillaume Lachenal d'être venu nous parler de cette histoire des grandes épidémies et de la façon dont elle a façonné l'histoire de la médecine. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Alexandra Delbo, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Villefranc, Natacha Triou, Eve Etienne, Céline Lozen, Olivier Bétard à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique. Demain, eh bien, comme je vous le disais, c'est une réécoute de l'un de nos vendredis fictions et nous allons revenir sur ce qui est peut-être l'un des plus importants monuments de la littérature de science-fiction à l'heure où le réalisateur Denis Villeneuve est en train de tourner une nouvelle adaptation. Tout, vous saurez absolument tout sur Dune de Frank Herbert, que vous l'ayez lu ou non. Ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.